Section 13, chapitre 51-52. Chapitre 51, la secte philosophique sous Louis XV. Cet esprit d'innovation et de doute qui prit naissance sous le régent fit en peu de temps des progrès rapides. On vit enfin sous Louis XV se former une société des plus beaux génies que la France ait produit, les Diderot, les D'Alembert, les Voltaire. Deux grands hommes seulement, et les deux plus grands, refusèrent d'en être. Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu. De là, la haine de Voltaire contre eux, et surtout contre le premier, l'apôtre de Dieu et de la morale. Cette société disait avoir pour fin la diffusion des Lumières et le renversement de la tyrannie. Rien de plus noble, sans doute, mais le vrai esprit des encyclopédistes était une fureur persécutante de système, une intolérance d'opinion qui voulait détruire dans les autres jusqu'à la liberté de penser. Enfin, une rage contre ce qu'ils appelaient l'infâme ou la religion chrétienne qu'ils avaient résolu d'exterminer. Ce qu'il y a de bien étonnant dans l'histoire du cœur humain, c'est que le despote Frédéric était de cette coalition qui sapait la base du pouvoir des princes. Le monument le plus extraordinaire de littérature qui existe est peut-être la correspondance entre Diderot, Voltaire, D'Alembert et le roi de Prusse. C'est là qu'à chaque page, on s'étonne de voir les philosophes jetant le manteau dont ils se revêtaient pour la foule, le monarque déposant le masque royal, traiter de fable la morale de la terre, parler hardiment de liberté entre eux en réservant l'esclavage pour le peuple stupide, se jouer de ce qu'il y a de plus sacré et se jeter les uns aux autres, ballotter d'une main criminelle et puissante les hommes et leurs opinions comme de vains jouets. Telle était cette fameuse secte qui, sous Louis XV, commença à s'étendre et à détruire la morale en France. Ses progrès furent étonnants. L'infatigable Voltaire ne cessait de répéter « Frappons, écrasons l'infâme ». Une foule de petits auteurs, pour être regardés d'un grand homme, se mirent à écrivailler à l'exemple de leur maître. Le bon ton fut bientôt d'être incrédule. Jean-Jacques Rousseau avait beau crier d'une voix sainte « Peuple, on vous égare, il est un dieu vengeur des crimes et rémunérateur des vertus », les efforts du sublime athlète furent vains contre le torrent des philosophes et des prêtres, ennemis mortels, réunis pour persécuter le grand homme. Tandis que les principes religieux étaient combattus par une troupe de philosophes, d'autres attaquaient la politique. Car il est remarquable que la secte athée déraisonnait pitoyablement en matière d'État. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Mably, Rénal, vinrent malheureusement éclairer des hommes qui avaient perdu cette force et cette pureté d'âme nécessaires pour faire un bon usage de la vérité. Depuis la Révolution, chaque faction a déchiré ses illustres citoyens, les Jacobins, Montesquieu, les Royalistes, Jean-Jacques Rousseau. Cela n'empêchera pas que l'immortel esprit des lois et le sublime Émile, si peu entendu, ne passent à la postérité. Quant au contrat social, comme on en retrouve une partie dans l'Émile, que ce n'est d'ailleurs qu'un extrait d'un grand ouvrage, qu'il rejette tout et ne conclut rien, je crois que dans son état actuel d'imperfection, il a fait peu de bien et beaucoup de mal. Je suis seulement étonné que les républicains l'aient pris pour leur règle, il n'y a pas de livre qui les condamne davantage. Ainsi, au moment que le peuple commença à lire, il ouvrit les yeux sur des écrits qui ne prêchaient que politique et religion. L'effet en fut prodigieux. Tandis qu'il perdait rapidement ses mœurs et son ignorance, la cour, sourde au bruit d'une vaste monarchie qui commençait à rouler en bas vers l'abîme où nous l'avons vu disparaître, se plongeait plus que jamais dans les vices et le despotisme. Au lieu d'élargir ses plans, d'élever ses pensées, d'épurer sa morale, en progression relative à l'accroissement des Lumières, elle rétrécissait ses petits préjugés, ne savait ni se soumettre à la force des choses, ni s'y opposer avec vigueur. Cette misérable politique, qui fait qu'un gouvernement se resserre quand l'esprit public s'étend, est remarquable dans toutes les révolutions. C'est vouloir inscrire un grand cercle dans une petite circonférence. Le résultat en est certain. La tolérance s'accroît, et les prêtres font juger à mort un jeune homme qui, dans une orgie, avait insulté un crucifix. Le peuple se montre incliné à la résistance, et tantôt on lui cède mal à propos, tantôt on le contraint imprudemment. L'esprit de liberté commence à paraître, et on multiplie les lettres de cachet. Je sais que ces lettres ont fait plus de bruit que de mal, mais après tout, une pareille institution détruit radicalement les principes. Ce qui n'est pas loi, et hors de l'essence du gouvernement, est criminel. Qui voudrait se tenir sous un glaive suspendu par un cheveu sur sa tête, sous prétexte qu'il ne tombera pas? Avoir ainsi le monarque endormi dans la volupté, des courtisans corrompus, des ministres méchants ou imbéciles, le peuple perdant ses mœurs, les philosophes, les uns sapant la religion, les autres l'État, des nobles ou ignorants, ou atteints des vices du jour, des ecclésiastiques, à Paris la honte de leur ordre, dans les provinces pleins de préjugés, on eût dit d'une foule de manœuvres s'empressant à l'envi à démolir un grand édifice. Depuis le règne de Louis XV, la religion ne fit plus que décliner en France. Elle s'en est enfin évanouie avec la monarchie dans le gouffre de la Révolution. Ici finit l'histoire des révolutions de la Grèce, considérées dans leur rapport avec la Révolution française. Nous allons maintenant quitter pour n'y plus revenir la terre sacrée des talents. Si j'y ai fait voyager le lecteur avec un peu d'intérêt, peut-être consentira-t-il un jour à me suivre dans mes nouvelles courses en Italie et chez les peuples modernes. Mais avant de les commencer, ces courses, il faut dire un dernier adieu à Sparte et à Athènes et tâcher de résumer ce que nous avons appris. Chapitre 52. Résumé. Dans les 42 premiers chapitres de cet essai, nous avons étudié la révolution républicaine de la Grèce, recherché son influence sur les nations contemporaines et suivi ses ramifications aussi loin que nous avons pu les découvrir. Dans les 10 autres, qui comprennent la révolution de Philippe et d'Alexandre, nous venons de passer en revue les tyrans d'Athènes, Denis à Syracuse, Agis à Sparte, les philosophes grecs et leur influence. Et pour parallèle, nous avons eu la Convention en France, les Bourbons fugitifs, Louis XVI à Paris, les philosophes modernes et leur influence sur leur siècle, ainsi que l'influence de la Réformation et de la secte philosophique sous Louis XV. Ce qui nous reste à faire ici est de reconnaître le point où nous sommes parvenus et jusqu'à quel degré nous nous sommes trouvés avancés vers le but général de cet essai. Nous sommes occupés à la recherche de ces questions. Premièrement, quelles sont les révolutions arrivées autrefois dans les gouvernements des hommes? Quel était alors l'état de la société et quelle a été l'influence de ces révolutions sur l'âge où elles éclatèrent et les siècles qui les suivirent? Deuxièmement, parmi ces révolutions, en est-il quelques-unes qui, par l'esprit, les mœurs et les lumières des temps, puissent se comparer à la Révolution française? Il s'agit maintenant de savoir si nous avons fait quelques pas vers la solution de ces questions. Certainement un pas considérable. Quoique ce volume ne forme qu'une très petite partie de l'immense sujet de cet ouvrage, on peut prononcer hardiment que déjà la majorité des choses qu'on voulait faire passer pour nouvelles dans la Révolution française se retrouvent presque à la lettre dans l'histoire des Grecs d'autrefois. Déjà, nous possédons cette importante vérité que l'homme faible dans ses moyens et dans son génie ne fait que se répéter sans cesse, qu'il circule dans un cercle dont il tâche en vain de sortir, que les faits mêmes qui ne dépendent pas de lui, qui semblent tenir au jeu de la fortune, sont incessamment reproduits, en sorte qu'il deviendrait possible de dresser une table dans laquelle tous les événements imaginables de l'histoire d'un peuple donné se trouveraient réduits à une exactitude mathématique. Et je doute que les caractères primitifs en fussent extrêmement nombreux, quoique de leur composition résulterait une immense variété de calculs. Mais quel fruit tirer de cette observation? Un très grand. Tout homme qui est bien persuadé qu'il n'y a rien de nouveau en histoire perd le goût des innovations, goût que je regarde comme un des plus grands fléaux qui affligent l'Europe. L'enthousiasme vient de l'ignorance. Guérissez celle-ci, l'autre s'éteindra. La connaissance des choses est un opium qui ne calme que trop l'exaltation. Je dois d'ailleurs observer que, pour juger sainement, le lecteur ne saurait trop se donner de garde de se méprendre. Il faut considérer les objets sous leur vrai jour. Il est bien moins question de la ressemblance de position en politique et de la similitude d'événements que de la situation morale du peuple. Les mœurs, voilà le point où il faut se tenir, la clé qui ouvre le livre secret du sort, que si je ne me prends à répéter souvent les mœurs, c'est qu'elles sont le centre autour duquel tournent les mondes politiques. En vain ceux-ci prétendent s'en éloigner, il faut malgré eux décrire autour de ce point leur courbe obligée ou, détachés de ce foyer commun d'attraction, tombés dans un vide incommensurable. Le second volume de cet essai, si j'ai le temps de l'écrire, va s'ouvrir avec les révolutions romaines, sujet peut-être encore plus magnifique que celui que nous venons de quitter. On a pu s'apercevoir que je cherche autant qu'il est en moi à varier la marche de cet ouvrage, tout sujet à son vice. Le défaut de celui-ci, malgré sa grandeur, est de tomber dans les répétitions. Je tâcherai donc d'écrire chaque révolution sur un plan différent des autres. Après avoir montré ce qui résulte de la lecture de ce volume pour la vérité générale de l'ouvrage, voici quelques vérités particulières qu'on peut en tirer sur la nature, l'homme considéré dans ses rapports moraux et politiques. L'homme est composé de deux organes différents dans leur essence, sans relation dans leur pouvoir, la tête et le cœur. Le cœur sent, la tête compare. Le cœur juge du bon et du méchant, la tête des rapports et des effets. La vertu découle donc du cœur, les sciences fluent de la tête. La vertu est la conscience écoutée et obéie, la science, la nature éclairée. Comme ces enfants qu'on est forcé d'enlever à leur mère vicieuse pour les confier à un lait plus pur, la liberté, fille de la vertu guerrière, ne saurait vivre qu'elle ne soit nourrie au sein des bonnes mœurs. Pourquoi Agis périt-il à Sparte? Pourquoi Denis fut-il chassé de Syracuse? Pourquoi Thrasybule erra-t-il loin d'Athènes, sa patrie? Pourquoi, etc. Parce qu'à Sparte, à Syracuse et à Athènes, il y avait des hommes, et qu'avec le cœur de cet incompréhensible bipède, on explique tout. Liberté, le grand mot. Et qu'est-ce que la liberté politique? Je vais vous l'expliquer. Un homme libre à Sparte veut dire un homme dont les heures sont réglées comme celles de l'écolier sous la férule, qui se lève, dîne, se promène, lutte sous les yeux d'un maître en cheveux blancs, qui lui raconte qu'il a été jadis jeune, vaillant et hardi. Si les besoins de la nature, si les droits d'un chaste hymen parlent à son cœur, il faut qu'il les couvre du voile dont on se sert pour le crime. Il doit sourire lorsqu'il apprend la mort de son ami, et si la douce pitié se fait entendre à son âme, on l'oblige d'aller égorger un ilote innocent, un ilote son esclave, dans le champ que cet infortuné labourait péniblement pour son maître. Vous vous trompez, ce n'est pas là la liberté politique. Les Athéniens ne l'entendaient pas ainsi. Et comment? Chez eux, il fallait avoir un certain revenu pour être admis aux charges de l'État, et lorsqu'un citoyen avait fait des dettes, on le vendait comme un esclave. Un orateur à la tribune, pourvu qu'il sût enfiler des phrases, faisait aujourd'hui empoisonner Socrate, demain bannir Phocion, et le peuple libre avait toujours à sa tête, et seulement pour la forme, Pisistrate, Hippias, Thémistocle, Périclès, Alcibiade, Philippe, Antigonus ou quelque autre. Je voudrais bien savoir enfin combien il y a de liberté politique, car toutes les autres petites villes grecques possédaient aussi leur liberté, et n'expliquaient pas le mot dans le même sens que les Athéniens et les Spartiates. Soyons hommes, c'est-à-dire libres. Apprenons à mépriser les préjugés de la naissance et des richesses, à honorer l'indigence et la vertu, donnons de l'énergie à notre âme, de l'élévation à notre pensée. Portons partout la dignité de notre caractère, dans le bonheur et dans l'infortune. Sachons braver la pauvreté et sourire à la mort en chrétien. Mais, pour faire tout cela, il faut commencer par cesser de nous passionner pour les institutions humaines, de quelque genre qu'elles soient. Nous n'apercevons presque jamais la réalité des choses, mais leurs images réfléchies faussement par nos désirs, et nous passons nos jours à peu près comme celui qui, sous notre zone nuageuse, ne verrait le ciel qu'à travers ses vitrages coloriés qui trompent l'œil en lui présentant la sérénité d'une plus douce latitude, tandis que nous nous berçons ainsi de chimères, le temps vole et la tombe se ferme tout à coup sur nous. Fin de la section 13.